Sur un grand champ, les lapins se sont retrouvés. Les grandes oreilles se balancent en musique. Les lapins dansent, la fête ne fait que commencer. Chanteurs.